J'ai prévu la grenadine pour prendre bien les glaçons. Les gars, on est là, tranquille, en mode bonhomme. C'est bientôt qu'il y ait musique. On va se faire des bisous. On va être vénère, les gars. Il est temps de se faire des bisous. De la fête en mer. Ça te laisse. Finis les coups de grisou. C'est la fête à couiller les musiques. Le voilà donc ce mois de juin. Il se termine par un total. Prenons-nous tous par la main. C'est pas mort. Pierre Cancel. Patrick Sébastien. Antoine. Sébastien Bachet. Je sers des pâtes dans le matin. Les stars. En toute sécurité. Alors la progestérone. Les moches. Un parisien. Dès lors que la bière est bonne. Que le bras ne pas trop loin. Tout le monde laisse la pâte en l'air. Et moi ça go. Ça go. Tout le monde laisse la pâte en l'air. Oh, c'est génial.